On va faire un point sur notre ministre président de Wallonie. Vous savez qui c'est? Bah oui. Ouais, ouais, bah Eva. Attends. Ministre président de Wallonie. Elio. Ah oui, c'est lui. Je savais pas non plus. J'ai découvert. Et eh ben, c'est un célèbre homme politique. Enfin, je savais pas non plus. C'est marqué ici sur ma fiche. Moi, je le connais pas vraiment, mais j'habitais dans sa rue pendant tout un temps. Mais non. Mais si. Mais si. Il était à deux maisons de chez moi. Genre, il fallait de la farine. Salut. Non, je rigole. Non mais tu le vois. J'ai jamais été demander de la farine. T'aurais des œufs. Mais j'ai le croisé régulièrement. Il me faisait un petit coucou comme mais ça. Mais c'est vrai. Et il a le nœud papillon et tout. Ouais, toujours. Mais il est super célèbre. Faut l'inviter. C'est ça. Non mais juste pour ça, il est célèbre parce que c'est une figure emblématique avec sa coupe d'italien et son nœud papillon. Il a 71 ans. Et ça, je l'ai pas vu arriver. Il les fait pas. Pas du tout. Et mais justement. Il se lift sur les photos de campagne. Enfin. Ouh. Non, mais c'est vrai. Ça balance. Ça balance. Hashtag Photoshop. Ouais. Non, mais il est tout lisse. C'est pas possible à 71 ans d'être tout lisse comme alors ça. Alors que s'il assumait sa vieille peau crasseuse comme nous, franchement, on serait dans la même team. Bref. Merci de nous écouter, Yo. Il est TikToker maintenant. Ah oui, ça y est. Ici, Amy. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y fait. Il donne tout. Il va à la salle de sport. Il est assis sur son vélo en train de suer. Il donne absolument toute sa vie. J'essaie d'y aller 3 fois 1 heure. Et il continue parce que franchement, il soulève de la fonte. Et je peux vous dire que Thibaut InShape, il a peur derrière ça. Et aussi en mode parolier héroïque. Il a des phrases inspirantes comme dans les vidéos millionnaires. Et ça marche plutôt bien. Il cumule 150 000 abonnés sur TikTok. Et qu'est-ce qu'il fait notre héros pour ça? Wesh, le sang, ça dit quoi? L'équipe tranquille ou pas? Oui, on est très tranquille, très épanoui. Oui, c'est pas une vanne, hein, c'est pas un montage. J'ai oublié que c'était Elio, là je viens d'avoir la scène en fait. Elio dit au repos, avec son petit nœud papillon, en train de dire ça. Ouais mon gars, sûr. Ah là, il est en pleine forme. Franchement, il était en train de faire une FAQ, une foire aux questions. Alors des gens avaient des choses à lui demander et Elio y répond en vidéo. Je trouve ça vraiment sympa qu'une personne comme vous s'intéresse à TikTok. Ça permet aux jeunes de suivre et de connaître un peu les actualités. Ben, c'est l'objectif. Ah bah oui, forcément. Allons un peu plus loin avec une question que les influenceurs professionnels adorent. Bonjour monsieur Elio. Juste une petite question. TikTok vous rémunère? Et si oui, que faites-vous avec l'argent? Ah, alors vraie question. Est-ce qu'il a donné le chiffre? Je sais pas. Dans les vocaux, enfin dans les enregistrements sur TikTok. Est-ce qu'il a révélé le montant qu'il gagne grâce à ses vidéos sur TikTok? Tu penses que oui ou non? Non. Non? Non, il a dû faire une feinte. Vous êtes malin. Non, TikTok ne me rémunère pas. Oh bah non. Donc je n'ai pas un euro TikTok. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont rémunérés par TikTok et je ne veux surtout pas un seul euro de TikTok. Ça, on va peut-être en reparler quand il aura 1 million d'abonnés. Ça, je suis pas sûr qu'il le tienne. Et moi, je le suis, Elio. C'est vrai? Mais oui. Mais non, t'es sur TikTok. Mais oui. On a enfin une personne de cette équipe qui est sur TikTok. Alors qu'elle a juste à regarder par la fenêtre. Hein. C'est vrai. Mais non, bon. elle habite plus dans sa rue. Non. À un moment. Mais là, non, c'est fini. Bon, ça, c'est dit. Il n'a pas révélé le montant et il touche pas un euro. Alors qu'il fait plein d'efforts, il pourra engendrer des revenus colossaux. Avec le nombre de questions auxquelles il répond, c'est fou. C'est des couilles. Les hôpitaux sont vides. Il nous ment depuis le début. Bah écoute, ce ne sont pas des couilles. Deux, le malheur a voulu que je me sois fracturé le genou. Vous avez compris la formule, un petit peu de sa vie perso. Et le monsieur de 71 ans parle comme s'il en avait 57 de moins. C'est un mélange absolument parfait. Ce serait un immense honneur de partager un bedeau avec vous, monsieur Duricourt. Écoutez, moi je veux bien partager un moment. Mais vous n'allez quand même pas m'obliger de fumer un bedeau. Wesh, le sang, tu veux pas un bedeau? Un bedeau. Je t'avoue que j'avais jamais entendu. Hein. Moi, j'ai entendu plein d'alternatives à joint, mais jamais. C'est-à-dire un bedeau de base. Ah ouais, ok, alors, d'accord. Pas connaisseur, mais. Rien à dire? Mais enfin. Fouiller ses poches. Sécurité. Mais en fait, je pense que je comprends. Il y a aucune modération sur ces questions. Elio, le sang vient à Anderlu. On va se péter une grosse assiette de brochette au resto de la gare. Et si c'est pas la brochette? Quand viendrez-vous boire une bonne bière dans le carré à Liège? Oh, si on m'invite, je voudrais boire une pinte. Ah bah oui, si c'est quelqu'un d'autre qui paye, bien sûr. C'est un ministre quand même, hein. Je pense qu'il pourrait inviter tout le carré. Mais bon, voilà. Ça c'est peut-être normalement une autre question. Oui. Ouais. Bon. Y a pas un ado qui aurait une question un petit peu plus sérieuse à poser à Monsieur Dirupo? Bonjour Monsieur Dirupo, est-ce qu'il y a moyen que vous annuliez l'année scolaire de septembre 22 jusqu'à juin 23? Ah oui? Non. Ah, là, au moins c'est net, non. Il sait pas faire de suspense, hein, ça c'est dommage. Bon, et si on finissait sur un truc un peu plus lunaire? Franchement, je l'ai pas vu arriver. Vous connaissez le dernier titre de Christophe Willem? Non, je l'ai pas en tête. Non, ouais, non, j'ai pas. Chantonne un peu, tu l'as pas en tête, toi? Bah, vous allez le découvrir. Elio, il l'entend pas pareil que nous. Bon, d'abord, j'aime bien Christophe Willem. Je pense pas qu'il pense au même PS que moi. Moi, quand on dit PS, c'est tout de suite Parti Socialiste. Lui, c'est PS post-scriptum. Je l'ai pas vu arriver. Imaginez la chanson de campagne. PS, je t'aime. Ben, moi, j'ai pensé qu'à ça. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais ça n'a aucun rapport. Mais moi, dès que j'entends des PS, je voyais que ça. À la radio, je l'ai joué tous les jours ce titre. J'ai jamais pensé une seule fois à PS, quoi. T'as un point commun avec Elio. Ouais. Oh là là. Sûrement, ouais. Sortons de papillon. Prochaine fois, j'y penserai. On fait pas de politique ici, hein. Vraiment, c'est juste que on a juste envie de rester dans c'est le thème. C'est juste que voter Elio. Le PS, je t'aime. On va rester dans les sentiments. Bah bien sûr, on peut saluer son équipe à Elio qui a tout fait pour qu'il cartonne sur TikTok. Je t'aime mon Elio d'amour. Bah, c'est sympa. Je sais pas si quelqu'un a écrit le message pour lui, c'était subtil, hein. Faut vraiment l'entendre. Je t'aime mon Elio d'amour. Bah, c'est sympa. Oui, rappelez-vous, il a son fan club. Pour moi Elio, c'était mon idole. Oh non. Tout simplement, mais je n'ai jamais avoué à personne que je l'aimais. Oui, c'est le retour de Nicole. Notre Nicole, c'était l'amour de sa vie Elio. Mais je lui réponds: mais vous êtes pour les hommes quand même. Je dis, tout le monde le sait ça. Et là, Elio m'a répondu: Nicole, non, je suis pour les deux. Voilà, petite piqûre de rappel, hein. Si vous vous souvenez pas de Nicole, c'est dispo en podcast, vous tapez La Trappe, hein, sur votre plateforme de podcast et vous réécoutez cette séquence en entière. On embrasse Nicole. Bon, on finit avec le TikTok d'Elio Dirupo, hein. Si on pouvait partir en lui filant un petit conseil, il faut pas faire de fausses promesses en 2022 parce que sur Internet, tout se sait si c'est pas concrétisé. Ah oui. Elio, peux-tu passer dans mon quartier? Oui. Alors ça s'appelle une fausse promesse, comme celle-ci par exemple. J'ai pas envie de xar avec toi le sang. Il faut m'inviter à une fête et je viendrai bien volontiers. Moyennant quelques légères conditions, invite-moi, je viendrai. Invite-moi, je viendrai. Est-ce qu'on ne lancerait pas Elio, une petite invite, hein, passe au studio quand tu veux et s'il nous répond oui, je viendrai, là on garde le son. On le fait sérieusement? Et oh, pff, quoi. Ah, tu te dégonfles, ça y est. Non, mais c'est juste, est-ce qu'il tiendrait ses promesses? Ah, parce que... Moi, il y a moyen, je pense. Il y a moyen? Bah, je sais pas. Moi, je dis, il y a de la place autour de la trappe. Hein. Bah, écoute, c'est vrai qu'il reste des micros. Lance l'invitation à Elio et on verra si la semaine prochaine, il nous répond, Kix. Ça marche. D'accord, on fait ça. Allez, parfait.